Bonjour Clément, ça va? Bonjour Lucie, ça va bien et toi? Oui, ça va très bien. Alors, tu travailles chez Terra Bolivia? Eh oui, je suis rentré dans l'équipe. Super. Et il paraît que donc tu bah, t'es là depuis de toute façon très très longtemps en Bolivie. Oui, depuis 2005. Ok, et donc tu es tombé amoureux de ce pays, quoi. Tout à fait. Même avant 2005, quand j'étais venu me balader en Bolivie, je suis tombé amoureux tout de suite et j'ai décidé de rester là. Ok, d'accord, bah, super, bah, c'est super, tu vas nous raconter un petit bout de Bolivie aujourd'hui. Bah, justement, tu nous emmènes en Amazonie, c'est ça? Oui, tout à fait. Ok, super, et donc, alors concrètement, où est-ce que tu peux situer, où est-ce que c'est? Alors, l'Amazonie, c'est une grande partie du territoire bolivien, en fait. Ça couvre presque les deux tiers du pays. Mais la région qu'on va visiter, qu'on visite habituellement, c'est celle du Beni, et plus précisément autour de Rurrenabaque. Ok. Alors, il y a plusieurs parcs nationaux en Amazonie bolivienne. Le plus connu, c'est le parc Madidi, parce qu'il a été reconnu au niveau scientifique comme la zone d'Amazonie qui concentre le plus de biodiversité. Ok. Ok, d'accord. Et du coup, toi, c'est quand la dernière fois que tu y es allé? La dernière fois que j'y suis allé, c'était en 2019, mais je ne suis pas allé dans le parc Madidi, je suis allé là, dans l'endroit dont je voulais te parler, qui est Ok. juste à côté, dans la réserve du Pilon Lajas. Ok, super. Et cette réserve, donc c'est une réserve également de protection de la faune et de la flore, mais c'est aussi un territoire administré par les peuples indigènes qui vivent en Amazonie et sur ce territoire. Et en l'occurrence, c'est les Mocétènes et les Tsimane. Ok. Et donc toi, tu recommandes de vivre une expérience là-bas. On y voit quoi? On y fait quoi? Vas-y, fais-moi rêver. Parce que je ne connais pas du tout et j'aimerais vraiment vivre une expérience en famille. Ah bah alors là, c'est l'endroit parfait pour toi, je crois, qui aime déjà la Bolivie. Dans le parc Madidi ou dans d'autres endroits, on peut aller voir une très belle faune et flore bien protégée d'Amazonie, probablement mieux protégée que dans les pays voisins d'ailleurs. Mais ce qui est intéressant d'aller chez les Mocétènes, c'est en plus de vivre une expérience de tourisme communautaire, parce que c'est eux qui vont te recevoir, qui vont déjà t'embarquer dans leur pirogue depuis Rurrenabaque. Et ensuite, tu passes quelques jours avec eux, donc à découvrir l'environnement qui est très semblable à celui du Madidi, mais surtout de le faire avec eux, quoi, à travers leurs yeux, leur mode de vie. Les Mocétènes, c'est des chasseurs, et cultivent aussi, mais c'est des chasseurs. Donc, quand ils t'emmènent sur les sentiers, ils savent repérer les traces des animaux, ils peuvent te faire vivre un petit peu ce que c'est que de suivre des animaux à la trace. Et si tu as de la chance, bah, tu pourras voir quelques-uns des gros animaux qui vivent dans ce coin-là. Ah ouais, quoi par exemple? Ah bah, le jaguar, évidemment. Ouh là là. C'est celui qu'on J'adore. cherche tous. Ben oui. Et toi, t'en as déjà vu? Moi, j'en ai déjà vu avec eux une fois, oui. Ouais. Ok. Alors, il y a une question de chance, hein, mais il y a aussi, évidemment, eux, ils repèrent les traces des jaguars, que ce Ouais. soit alors, les pattes, ça laisse des grosses traces quand même, mais aussi les endroits où ils sont passés, comment les façons dont ils ont cassé les branches, etc., quoi. Ok. Bah, d'ailleurs, en parlant d'animaux, je sais que la liste, elle est non exhaustive. Qu'est-ce qu'on peut voir? Alors, on peut voir beaucoup, beaucoup de choses. Ce qui est à peu près sûr de voir, c'est les perroquets, c'est les tortues quand c'est la saison, c'est évidemment les caïmans, hein, qui sont là partout. On peut se baigner avec Alors, les plus eux? téméraires vont se baigner. En fait, ce qui est le plus dangereux dans le fleuve, c'est pas les caïmans, c'est les raies. Et Ok. il y a beaucoup de Tsimane qui ont des cicatrices de raies. Donc après, bon, les gens se baignent parfois, mais c'est un peu à leur risque et péril quand Ok, d'accord. Et donc, l'idée, c'est de passer combien de jours avec toi? Qu'est-ce que tu proposes à tes voyageurs? Alors moi, je recommande 3 jours. pour pouvoir quand même bien connaître le lieu, s'habituer, connaître les gens aussi, parce que ce n'est pas juste un guide, hein, c'est quelqu'un qui te reçoit dans sa maison vraiment. Donc c'est important de construire une relation quand même quand on va dans un endroit comme ça. Et 3 jours pour moi, c'est un minimum. Après, on peut passer 4, 5, 6 jours, on ne s'embête pas, il y a plein de choses à faire. On peut partir pêcher, on peut partir voir un peu partager les activités de la communauté ou connaître l'école, voir, Ouais, fabriquer des super. flèches, faire tomber les noix de coco. Enfin, il y a plein de choses à faire. Oh bah, l'idée, de toute façon, c'est de vivre une vraie expérience locale et puis de pas finalement de au-delà du voyage, c'est vraiment de vivre avec cette communauté. Okay. Super. C'est vraiment ça. Ok. Et du coup, on peut y aller une famille de combien à peu près? Bah, Un maximum. ta famille est grande, à ce que je sais. Tu peux emmène toute ta famille étendue, il n'y a pas de problème. Non, en vrai, on recommande 8 personnes comme maximum. Plutôt pour maintenir une relation où on ne va pas trop envahir la communauté que pour leur capacité, parce qu'ils ont une cuisine, une salle à manger, tout ça qui marche très bien. Mais voilà, pour avoir une relation privilégiée quand même avec les gens, c'est bien de maintenir des groupes assez réduits. Ok, super. Est-ce que tu pourrais dire que c'est l'une de tes meilleures expériences en Bolivie? Alors là, sans hésiter. Sans Ok. hésiter. Pour moi, c'était une des meilleures expériences. C'est des gens avec qui j'ai construit une relation importante. Et j'ai envoyé un certain nombre de gens connaître cette communauté. Et beaucoup sont revenus en disant que c'était l'expérience, peut-être pas de Ok. leur vie, mais au moins vraiment une des plus grandes expériences qu'ils avaient vécues dans leur voyage. Ouais. Et qu'est-ce que tu pourrais dire que tu as appris d'eux, par exemple, par rapport à l'Altiplano aussi que tu connais très bien? Alors, ce qui est chouette là-bas, un peu à la différence de l'Altiplano, c'est que c'est des communautés très jeunes et très dynamiques. Donc, moi, ce que j'ai appris, ou en tout cas ce que j'ai constaté qui m'a impressionné, c'est leur capacité à s'adapter, et notamment quand il leur arrive des difficultés. Par exemple, depuis que je les connais, donc ça fait un bon bout de temps, 2 fois, le fleuve Kikibé a mangé les rives, sur lesquelles ils vivent et a détruit une grande partie de la communauté. Je les ai vus quelques mois plus tard, ils avaient transporté, ils avaient sauvé tout ce qu'ils pouvaient, et puis ils te racontaient ça sans aucune rancœur. Voilà, le fleuve est venu, il s'est passé ça, nous on a reconstruit, regarde l'auberge, elle est déjà aux 3 quarts reconstruite, et puis c'est bon, on est prêt à continuer. Ils savent vraiment faire face à toutes Sont très les. résilients. Ouais, extrêmement, vraiment extrêmement. Alors, tu as dû aussi entendre parler du barrage du Bala. Hein, c'est tout près de chez eux. Pareil, ils se sont organisés, alors avec des peuples indigènes autres que eux, pour résister face à ce projet qui menaçait tout leur territoire. Mais jamais, on dirait qu'ils n'ont jamais peur, en fait. Et effectivement, ils sont toujours là, malgré une situation, on va dire, des peuples indigènes en Amazonie qui peut être difficile. Ils sont là, on sent vraiment une joie de vivre quand on va chez eux. Donc voilà, ça fait Fait du bien. c'est très différent. Ouais, ça fait du bien. C'est vraiment une expérience qui n'a rien à voir avec l'altiplano. Ok, bah super. Bah merci beaucoup Clément. En tout cas, ça m'a donné beaucoup envie, justement, d'aller dans la découverte de voilà d'une nouvelle population ici en Bolivie, la Bolivie que je connais bien. Donc merci beaucoup. On se rappelle pour ça. Ça Et marche. de Bah, toute façon, on sait que le plus beau au Pérou, c'est la Bolivie, quoi. on leur dira pas au pire Super, merci Clément. À Merci à bientôt pour de toi. nouvelles aventures. Ok, à bientôt.